écrite. On brise ce silence avant qu'il ne nous blesse. Blesse, encaisse dans tes orifices qu'on reste les mêmes malgré les blèmes. Pas le time filé, puis enfilé comme ces fillettes sur le pavé que tu m'as défilé. Où la vie nous mène, man, sans faire ce qu'on aime. On devient tous cardiaques, dans la crise on s'étonne. Des maniaques, brûleurs de cardiaques, et nous grise, grave, on vit crève. Cet homme la noblesse, on bouge notre crève. Dans la grâce, ça nous oppresse. Faut que je presse, play, je veux plus me stresser. J'fais que pour la zig et pour que ça sache. Comme Greenpeace à mes speakers, j'm'attache. Vous considérez peut-être que je n'ai aucune raison de vous descendre, mais tout le monde sait que ce type de considération, c'est bon que pour les camps. Pour les camps qui sont sidérés. On s'aime, on se frappe, on se bute, on se mate. Mais c'est toujours sur la même terre qu'on squatte. Malgré tout ce qu'on nous reproche, on garde nos attaches. On s'aime, on se frappe, on se bute, on se mate. Mais c'est toujours sur la même terre qu'on squatte. Malgré tout ce qu'on nous reproche, on garde nos attaches. J'ai son rêve du bout des doigts, il faut que je le sente une dernière fois, entends ma voix. J'ai plus la force de suivre le mauvais convoi. Ce qu'on voit, ce qu'on veut, y'a décalage, qu'est-ce qu'on peut y faire en gardant l'art et la manière. Envie de finir vieux, mais pas fou. Si on veut pas de nous, ça tombe bien, on veut pas de vous. Vos lois floues, vos projets à la con, dont tout le monde se fout. Gardez-les, si on fait les scandaleux. De toute façon, on peut pas s'en aller, scandaleux. Y'a trop de malheureux et d'hommes d'affaires vers eux, tu verras. On fera sauter les banques comme Félira. Si ça continue comme ça dans les rues de ma ville, y'a trop de fils de pute en civil. Trop de files d'attente vers le bonheur quand on sait que dans ce pays y'a plein de billets. Ça fait trop mal de les voir mendier. Faut tout piller, tout redistribuer comme Robin Hood. Le passage en force, il faut qu'on joue des coups. Enfin qu'on baisse leur code pour devenir des hommes. En somme, on s'aime, on se frappe, on se bute, on se mate. Tu sais, toujours sur la même terre qu'on squatte. Allume quand je bliffe et fais kiffer les refs. Swinguer les meufs, nous on fait juste notre taf. On est sortis d'en bas pour foutre des baffes. Au micro, c'est ni lico, pas besoin d'hélico. Je préfère tracer ma route, y'a trop de narcotiques. De narcos à cause de narcotiques. De gens honnêtes, tous ceux qui niquent tout dans ta discothèque. Soirée pourrie où tourne des disques antiques. Qui dit en toi qu'ambiance mastoc comme nous sommes. Qui sont les sticks, des lingots cachés dans un sac en plastique. Donc n'y pense pas, comme dit qu'il tacle le sang, sèche pas. C'est ORT qu'on s'aime ou pas, fallait que tu saches ça. On s'aime, on se frappe, on se bute, on se mate. Mais c'est toujours sur la même terre qu'on squatte. Malgré tout ce qu'on nous reproche, on garde nos attaches. On s'aime, on se frappe, on se bute, on se mate. C'est toujours sur la même terre qu'on squatte. Malgré tout ce qu'on nous reproche, on garde nos attaches. On garde nos attaches dans un monde perverti. Parmi inconscients et avertis, parmi fidèles et reconvertis. Et en vertu de quoi? Je vois la santé de la foi, à la santé de mes gars. Six soins, 1800, c'est nos attaches. Chacun connaît sa tâche, à la moindre erreur on verra sa cache. Tolérance face à la différence, fréquence sans interférence. Avant que la flamme s'enfuit, c'est juste nos vies, nos vies. C'est la clémence. Regarde, sois attentif maintenant.